sur les ardoises danse une petite vie. C'est à elle que je pense, petite mélodie qui s'éveille impatiente. Cette petite vie, c'est pour elle que je chante. Petite voyageuse au sourire de lune, à la bouche rieuse, croqueuse de fortune. Béni soit ton voyage, bienvenue parmi nous. Que ta raison soit sage et ton cœur toujours fou. Et ton cœur toujours fou. Petite neige sur les toits s'est posée, et nos cœurs qui s'allègent contemplent ta beauté. Un rayon de soleil bleu comme un ciel d'hiver, et les mille merveilles glissent sous tes paupières. Petite voyageuse au sourire de lune, à la bouche rieuse, croqueuse de fortune. Béni soit ton voyage, bienvenue parmi nous. Que ta raison soit sage et ton cœur toujours fou. Et ton cœur toujours fou. Une petite flamme s'élève dans la nuit, une petite dame, mon Dieu qu'elle est jolie. Petit souffle de vent, doux comme une caresse, voici venu le temps de toutes les promesses. Petite voyageuse au sourire de lune, à la bouche rieuse, croqueuse de fortune. Béni soit ton voyage, bienvenue parmi nous. Que ta raison soit sage et ton cœur toujours fou. Et ton cœur toujours fou. Souffle de vent, doux comme une caresse, voici venu le temps de toutes les promesses. Béni soit ton voyage, bienvenue parmi nous. Que ta raison soit sage et ton cœur toujours fou. Et ton cœur toujours fou.